Constantin Cavafy, une nuit. La chambre était pauvre et vulgaire, cachée au-dessus de la taverne louche. Par la fenêtre, on apercevait la ruelle étroite et sordide. D'en bas montait la voix de quelques ouvriers qui jouaient aux cartes et faisaient la fête. Et là, sur l'humble lit plébéen, j'ai possédé le corps de l'amour. J'ai possédé les lèvres voluptueuses et rouges de l'ivresse. Empourpré d'une telle ivresse que même en ce moment où j'écris après tant d'années dans ma maison solitaire, j'en suis de nouveau tout enivré.